émission autour de vous avec Laura sur Radio Gemozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Qu'y aura-t-il en dehors de vos murs? Restez avec nous, vous allez tout de suite le savoir. Aujourd'hui, je reçois dans nos studios, vos studios, Marie-Claire Beck, pour parler d'un événement qui se déroulera du 6 au 21 août et d'un autre le 19 août à la Chapelle des Arts de la Suche à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Marie-Claire, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, je suis vosgienne depuis ma naissance et j'adore ma région, la faune, la flore évidemment. J'ai 64 ans, je suis retraitée et j'ai de par ce fait tout loisir et tout le temps nécessaire pour pratiquer la photo animalière, spécifiquement la photo animalière, la photo en général, mais principalement photo animalière. D'accord, alors comme vous venez de le dire, vous allez exposer des photos, mais pas n'importe lesquelles, parce que c'est des photos d'animaux, mais pouvez-vous nous expliquer ce choix? Pourquoi les animaux plus qu'autre chose? Pourquoi les animaux? Bah parce que j'ai depuis ma plus tendre enfance un grand intérêt pour la nature et tout ce qui l'occupe, et notamment les fleurs et toutes les plantes sauvages, et puis principalement bah oui la faune sauvage, donc animaux, oiseaux, enfin toutes les espèces me fascinent. Comment est-ce que vous arrivez à les photographier sans qu'ils ne vous voient? En pratiquant des affûts discrets, donc soit par des en utilisant des tenues de camouflage bien camouflées, hein, c'est difficile à expliquer, et j'ai aussi une tente d'affût qui me permet qui imite la végétation et qui me permet de me rendre le moins visible possible pour eux. Un peu comme les militaires quand ils se cachent dans la neige. Voilà, tout à fait. Voilà, tout à fait. Alors personnellement, ce qui me fascine dans la photographie, c'est qu'un cliché fige un moment que le temps ne peut pas nous voler. Vous en pensez quoi? C'est vrai. c'est immortaliser du vivant, quoi. Et forcément, on sait qu'un jour ou l'autre, pour les animaux comme pour les humains, la vie ne dure qu'un temps, pour les végétaux également, même s'il y a une reproduction qui se fait chaque année. Mais pour les animaux, c'est d'autant plus vrai. Et effectivement, le fait de les figer à l'image, ça les immortalise, quoi. Est-ce que vous avez déjà exposé vos photos avant? Oui, j'ai déjà fait quelques expositions. Où ça? Jamais seule. Donc, j'ai fait une exposition avec l'association Grand Angle d'Épinal. Une exposition également, une toute petite exposition, parce que j'en étais à mes tout débuts. Et puis, comme on exposait avec le club, chacun avait une place limitée. Donc, avec le club Noir et Couleur d'Épinal. Et puis j'ai exposé aussi à Arches avec le salon des créateurs d'Arches et Archettes. Et voilà, donc 3 expositions pour le moment. Et puis voici la 4e qui arrive. Depuis quand vous êtes découvert une passion pour la photographie? J'ai toujours aimé la photo, toute petite. Un de mes oncles m'avait donné son ancien appareil photo, donc j'ai pu m'amuser avec et puis faire mes premiers pas. Et j'ai toujours aimé figer des ambiances, des lumières, des objets, des portraits également. Hein. Je suis maman de 3 filles, forcément j'ai beaucoup photographié mes enfants. Et puis je suis venue à la photo animalière au moment de ma retraite. Qu'est-ce qui vous plaît le plus chez un animal sauvage? C'est sa spontanéité, son naturel, quoi. Son naturel. Voilà, il n'y a pas de faux semblants, c'est nature. Alors, quel animal avez-vous eu le plus plaisir à prendre en photo et pourquoi? Alors, j'en ai plusieurs. Ma première rencontre s'est faite, alors je parle en tant que photographe animalière, hein, puisque quand j'étais enfant, je faisais régulièrement l'école buissonnière, dans le vrai, dans le vrai sens du terme, où j'allais principalement en forêt, en bordure de rivière. Et donc là, ce que je vais vous dire, c'est à partir du moment où j'ai commencé à toucher à la photo animalière, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer des cerfs. Alors je dis des parce qu'ils étaient au nombre de 8 ou 9. J'étais tellement dans l'émotion que j'étais incapable de les compter. Ils étaient tellement proches de moi que c'était impossible de les photographier tous ensemble. Donc je les prenais par groupe de 3 ou 4, mais voilà. Et là j'ai été fascinée par cet animal qui est vraiment majestueux, qui est enfin magnifique. Enfin, moi, j'ai succombé à son charme. Hein. C'est vraiment le cerf dans toute sa splendeur, quoi, majestueux, avec un port de tête altier. Enfin, qui est vraiment magnifique, magnifique. Voilà. Et puis, donc, chez les mammifères, oui, j'ai eu un énorme coup de cœur pour les cerfs. Ensuite, je connaissais un peu les oiseaux parce que je photographiais un peu les oiseaux de mon jardin, donc les mésanges, rouge-gorge, merles, etc. Enfin, quelques espèces. Et j'ai découvert la multitude d'espèces ornithologiques qui nous entourent et dont je n'avais absolument pas connaissance. Donc un autre oiseau qui m'a beaucoup intéressée, j'allais en bord de rivière pour photographier les canards. J'ai aperçu un jour Héron, grande aigrette, et puis je voyais passer une flèche bleue, hein, le martin pêcheur qu'on définit souvent comme étant une flèche bleue. Mais tellement rapide, tellement farouche que c'était impossible de le photographier comme ça spontanément. Et donc je me suis imposé un temps d'observation. Donc je crois avoir passé à peu près 4 mois à aller au bord de la rivière et à observer sa façon de faire, ses allées venues, où il aimait se poser, ses habitudes de vie, quoi, en fait. Et suite à ces observations, j'ai pu aller dans un affût. Alors là, c'était pour le coup un affût naturel, parce que je le voyais aller se poser très souvent sur un arbre qui était couché sur la rivière. Et à côté de cet arbre, il y avait une grosse touffe de renouée. Et donc, j'ai pu me glisser dans ces herbes et puis accéder à le voir sans que lui me voie. Et du coup, là, ça a été magique, quoi, parce que je rêvais de le voir sur une certaine branche que je trouvais magnifique, avec des lumières superbes, les lumières du matin, les premières lueurs du soleil, les dernières lueurs du soleil. C'est les meilleurs moments pour faire de la photo animalière avec des ambiances fabuleuses. Et j'ai dû attendre un mois qu'il se décide à venir sur cette branche. Mais je l'ai eu. Un mois ? Un mois. Ah oui, quand même ? Oui. Bon, je rentrais chez moi entre-temps quand même. Hein, ah oui. Heureusement. Donc voilà, il y a eu le martin pêcheur. Et puis, où j'ai passé beaucoup de temps quand même avec lui pour faire différentes photos. Et puis, tout en continuant quand même à aller voir les cerfs, les chevreuils, renards, etc. Tous les mammifères qui étaient dans les prairies. Et un jour, je repartais à ma voiture après un affût aux chevreuils. Et j'ai entendu un chant d'oiseau que je ne connaissais pas, qui était puissant, et j'ai vu cet oiseau noir se poser sur un bouleau juste dans le rayon du soleil. J'ai essayé de le photographier, mais mon trépied était réglé trop bas, donc je n'ai pas pu l'avoir. Et il est reparti, et il m'a laissé complètement désappointée et émerveillée. En fait, il s'agissait du pic noir, pour qui j'ai eu un coup de foudre. Vraiment, Et je me suis dit, je veux le revoir, il me le faut, je veux le revoir absolument. Donc je me suis mise en quête de le chercher, ce qui n'a pas été simple, parce que trouver un oiseau dans un secteur quand même très forestier, où est-il, en sachant que ce pic noir peut avoir un territoire qui soit de 10 km². Donc c'est énorme. Mais j'entendais son chant, donc je pensais trouver son secteur de nidification, sa loge. Et en fait, c'était son secteur de nourrissage. Il allait se nourrir sur ce secteur. Donc, je faisais fausse route, parce que quand ils se nourrissent, ils passent, mais très rapidement. Et voilà, j'arrivais pas à le trouver réellement. Et puis, un jour, en parlant, une de mes connaissances, un monsieur qui faisait du bûcheronnage et qui allait souvent en forêt, m'a dit qu'il y avait une loge avec des bogbos. Le bogbo, c'est le terme patois pour définir le bec bois, donc le pic noir. Et il m'a indiqué où je pouvais trouver cette loge, mais je l'ai cherchée quand même pendant près d'un an. Ah oui. Et je l'ai trouvé un 8 janvier, donc en hiver. Et puis j'allais l'observer. Il est vrai que j'ai été également guidée par un ami photographe qui a une connaissance assez pointue des espèces et qui m'avait indiqué que ce pic rentrait entre telle heure et telle heure environ, quoi, et qu'il fallait que j'aille me placer à proximité de sa loge pour le moment où il rentrait. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et là, j'ai pu savourer vraiment des moments merveilleux, quoi, avec ce bel oiseau. Et j'ai eu la chance de voir également sa femelle et de voir leurs enfants, leurs petits, puisqu'ils se sont reproduits dans cette loge. Donc j'ai pu assister à toute la nidification, la couvaison, le relais entre le couple, entre le père et la mère, pour couver, et puis le nourrissage et l'envol des petits. Et ça a été des moments magiques, magiques. Est-ce que le pic noir a été le plus difficile à photographier pour vous ? Non. Non, le plus difficile pour moi, c'est le cerf. Parce que lui, il a un flair qui défie toute concurrence. Et selon l'orientation du vent, eh bien, il peut nous sentir à 200 mètres de distance. Hein, donc, c'est très compliqué. Ah oui. Très compliqué, oui. Alors, personnellement, je fais plus confiance aux animaux qu'à l'homme, dans le sens où ils ne mentent jamais. Et il paraît qu'un animal peut cerner votre personnalité qu'avec ses sens olfactifs. Est-ce que c'est vrai ? Alors ça... Je ne le savais pas, vous m'apprenez quelque chose, mais je pense que l'animal a un sixième sens qui peut l'aider à savoir si la personne qu'il a en face de lui est bonne ou mauvaise pour lui, quoi. Moi, j'ai vu me trouver à 25 mètres de cerf, d'un cerf, et qui reste pendant une demi-heure en ma présence. C'est, oui, il le sent. En me voyant, hein, il me voyait, j'étais totalement à découvert ce jour-là. Il était sur une prairie quand je suis arrivée et je l'ai vu et j'avais l'appareil photo dans la voiture. Je suis sortie de la voiture, je voyais qu'il n'avait pas de réaction d'effarouchement. Donc je suis sortie, je me suis avancée vers lui. Il me regardait, il pâturait, il me regardait, il pâturait. Et puis on est resté en présence pendant près d'une demi-heure, oui. Ah, c'est fascinant quand même. Oui. Ça doit être. Oui. Ouais, c'est une joie, ça doit faire du bien. Oui, c'est difficile de faire de la photo dans ces conditions parce qu'on est tellement dans l'émotion, que le tremblement, et que à aucun moment je n'ai eu peur. On me demande toujours, mais t'as pas peur ? Non, j'ai pas peur. Je leur fais confiance et je me pose même pas la question, quoi. C'est vraiment des moments privilégié, magique, que moi je remercie la vie d'avoir eu les occasions de vivre ça, quoi. J'ai vu mon premier cerf à 61 ans, c'est pas rien, enfin, et je dis cadeau, quoi, c'est cadeau. Et chaque matin, puisque Rares, très rares sont les jours où je ne vais pas sur le terrain, soit au bord de la rivière, soit dans les prairies, soit en forêt. Et chaque matin, je me dis, mais c'est incroyable de vivre ces moments-là. C'est plein de magie. On se sent tout petit quand c'est comme ça, je trouve. C'est tellement majestueux qu'on se sent très chanceux et on se sent tout petit face au monde, je trouve. Mais je suis déjà pas très grande à la base. Moi non plus. Mais, à la limite, j'ai presque envie de dire qu'on n'existe plus, quoi. Il y a plus que le regard et quand les regards se croisent, comme avec les cerfs, où il y a eu les deux rencontres, notamment où les regards se sont croisés, où il y avait comme une communication. Enfin, voilà, je pourrais pas vous dire ce qu'il pensait. Peut-être qu'il se disait, j'espère qu'elle va pas venir me casser les pieds, quoi. Il faut qu'elle me laisse manger. Peut-être. Ou peut-être qu'il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce petit grain de sable-là qui arrive sur mon territoire? Je n'en ai aucune idée, bien sûr. Mais oui, on se sent complètement en retrait, en fait. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que l'homme est coupable de la perte de certaines espèces, que ce soit au niveau de la faune et de la flore? Oh que oui. Oh que oui. Il suffit de passer un quart d'heure au bord d'une rivière quand il y a des périodes de crue et qu'on voit tous ces déchets qui flottent sur l'eau. Enfin, ça fait mal au cœur, quoi. On envahit leur domaine, leur territoire, leur espace vital, et ça, c'est grave. C'est grave. C'est grave pour les animaux, les espèces d'aujourd'hui, c'est grave pour les humains de demain, parce que qu'est-ce qu'il restera de tout ça, de toutes ces merveilles, dans 20 ans, 30 ans? C'est ça qui fait peur. Parce que... On se pose des questions, oui. Oui, il y en a beaucoup à se poser. Mmh. Notamment, j'avais vu un reportage animalier où il disait que les ours polaires, il y en aurait plus d'ici 2020. Bon, heureusement, il y en a encore. Mais la fonte des glaces, en fait, c'est du réchauffement climatique et l'ours a besoin de la glace pour vivre. Eh bien, oui. Après, moi, j'ai envie d'espérer que les espèces qui vivent justement ces dérèglements climatiques vont réussir à s'adapter aux nouvelles conditions. De même que les oiseaux qu'on a ici, les espèces animales qu'on a ici, vont pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions climatiques, hein, et peut-être survivre, je l'espère, je croise les doigts, voilà. Et puis surtout, j'ai envie de dire, de lancer un appel à protégeons-les, quoi, mais en protégeant toutes ces espèces, tout ce monde du vivant, on protège également nos enfants, nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants. Enfin, il faut que ça continue, il faut que la vie continue. Si les espèces animales disparaissent, il faut bien se dire que les espèces humaines disparaîtront aussi. À un moment donné, on ne pourra plus faire face à la gravité de cette situation. Alors, sur certaines de vos photos, je vois un peu d'insouciance et surtout beaucoup de bonté chez les animaux. En fait, en un cliché, vous montrez qu'un animal sauvage n'est pas si sauvage que ça. Alors, je m'explique, vous arrivez à les prendre en photo et je pense qu'ils sentent tout de même votre présence. Ils vous laissent capturer leur image et figer le temps d'une certaine manière. Oui, après ce qui est vrai, comme je vous l'ai expliqué pour les cerfs, effectivement, mmh. où ils m'ont... Bon, je pourrais même dire qu'ils m'ont snobé, hein, vraiment, quoi. Mais avec toujours des échanges de regards, quand même. C'était bref, c'était fugace, mais il y avait une communication visuelle. Après, d'autres espèces, comme par exemple le renard, est beaucoup plus farouche, hein, et a du mal à accepter le regard de l'homme, hein, ou de la femme notamment, mais oui, il y a des espèces qui qui sont beaucoup moins d'accord, quoi. Et là, pour photographier un renard, il faut être très camouflé et surtout ne pas faire un mouvement, quoi. C'est, ou alors faire un mouvement, mais très doucement, de façon à ne pas le surprendre par un déplacement, parce qu'ils ont un regard très, très aiguisé, quoi. C'est... Ce que lui peut voir à l'œil nu, bien sûr, nous, on ne le verrait peut-être pas. Hein. Mais j'avoue que la photo du renard, c'est l'une de mes préférées, parce que je trouve que les renards sont vraiment très mignons. Et je pense qu'en fait, ils se méfient de nous, parce que c'est un animal qui est encore assez chassé, malheureusement, par l'homme. Oui, il est toujours chassé par l'homme. Après... Alors j'ai envie de dire que je ne suis pas opposée à la chasse. Je pense qu'il faut une certaine régulation pour la bonne survie des espèces également, hein, parce que une surpopulation entraînerait à des dégénérescences de l'espèce. Il y a beaucoup de renards malades qui sont atteints de la gale. D'ailleurs, on les voit, hein, leur pelage est très abîmé, enfin très très touché. Et si un couple de renards galeux se reproduit, les jeunes de ce couple seront malades et effectivement on va vers une dégénérescence de l'espèce. Donc la chasse a parfois du bon dans la régulation si effectivement les chasseurs prélèvent des bêtes qui sont malades, c'est plutôt utile pour la survie de l'espèce. Alors j'ai remarqué cette année qu'il n'y avait pas beaucoup de mésanges. Est-ce que vous avez une explication à ça? Est-ce que ça serait de notre faute ou j'ai entendu parler de la grippe aviaire aussi? Alors, très sincèrement, moi je vois beaucoup d'oiseaux. Effectivement, j'ai vu moins de mésanges, mais nous avons aussi des hivers moins rigoureux, ce qui fait que beaucoup d'insectes je pense que les oiseaux trouvent encore de la nourriture parce que on a plus beaucoup de gelées, donc ou sur de très courtes périodes qui ne suffisent pas à anéantir les insectes. Donc je pense que les oiseaux restent dans leur zone de confort et trouvent encore à se nourrir. Alors effectivement, hein, il y a aussi une diminution des espèces par rapport aux insecticides et aux produits chimiques qui sont utilisés. Voilà, mais on a pu observer suite au confinement qu'il y avait beaucoup plus d'oiseaux qu'avant les confinements, parce que je pense qu'ils ont été tranquilles pour leur reproduction, leur nidification. Et on a eu... alors après, moi, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les données scientifiques, hein, par rapport à ça. Mais enfin, c'est une notion qui a été mise en avant, quoi. Que le fait de ne pas déranger les animaux, les oiseaux, a pu favoriser une reproduction plus importante. Combien de temps est-ce qu'il vous faut en moyenne pour prendre un animal en photo? Alors, vous voulez parler du temps de préparation et du temps de faire le cliché simplement ou, Tout mélanger, en fait. Bah, ça peut être très long, hein, ça peut être très long. Regardez pour, par exemple, mon expérience avec le pic noir, je l'ai cherché pendant un an, avant de pouvoir le photographier. Donc, après le martin pêcheur, j'ai dû l'étudier et l'observer pendant 4 mois. Et puis, un autre jour, je vais être dans un affût en espérant voir un renard. Et il y aura, je ne sais pas, un trachémoteux qui va venir se poser à 3 mètres de moi et à 3 mètres de la portée d'objectif. Donc, ça peut être... Il n'y a aucune règle, hein, en fait. On peut faire des affûts de 5 ou 6 heures sans voir la moindre espèce. Hein, et on peut faire des affûts de 10 minutes et avoir 4 espèces en visée. Donc, il n'y a pas de règle. Alors, avec vos photos, moi, ça me donne l'espoir que les animaux sauvages et l'homme peuvent cohabiter sans que l'un ne vienne déranger l'autre, et je trouve ça très bien.

Alors nous revoilà avec vous Marie-Claire pour parler de la conférence qui se déroulera à la Chapelle des Arts de la Suche à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107FM, par les applications Orange Radio et Radio Line et par la plateforme Deezer. Alors Marie-Claire, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une conférence ? Alors, je ne suis pas une conférencière. Voilà, on m'a proposé de parler de mon pic noir. Ce temps d'échange, parce que je préfère que ce soit un temps d'échange, en fait, avec les personnes qui seront là. Alors évidemment, je présenterai cet oiseau en expliquant ses habitudes de vie, sa façon de vivre, son nourrissage, sa reproduction, etc. Mais je préfère aussi qu'il y ait un temps de partage et d'échange avec le public présent. Alors, quel sera le thème de cette conférence ? Donc, le thème sera le pic noir. Comment est-ce que vous l'avez choisi, puisque vous avez photographié pas mal d'animaux ? Pourquoi particulièrement celui-là ? Parce que je crois avoir passé en sa présence, alors autant en temps de photographie qu'en temps d'observation, je pense avoir passé environ 600 heures au pied de sa loge, à le voir évoluer, à l'entendre chanter, à le voir entrer dans sa loge, à le voir sortir, à le voir nourrir ses petits. Et c'est vraiment un oiseau qui m'a émerveillée, vraiment. Même si tous ont leur beauté, ont leur attrait, celui-ci beaucoup plus que d'autres. Après, voilà, on a des affinités envers certains humains, moins avec d'autres. Eh bien, je pense que c'est un peu le même rapport avec le monde animal. J'ai beaucoup moins, voire pas d'attirance pour tout ce qui est toutes les espèces reptiles. Alors tout ce qui porte plume et poils, par contre, ça me fascine complètement. Donc oui, par choix, c'est le choix du cœur en fait. Est-ce que c'est une espèce qui vit exclusivement dans les Vosges ? Non, pas du tout. On l'appelle d'ailleurs le pic. C'est le plus grand pic d'Europe. Donc il y en a dans tous les pays d'Europe. Des pics noirs sont quand même présents sur tout le territoire européen. Après, il y a également d'autres espèces de pics comme le pic épêche, le pic mare, le pic épêchette, le pic cendré, le pic vert, qui est plus connu encore, c'est peut-être le plus connu d'ailleurs de tous les pics. Il y a le pic tridactyle. Enfin, il existe une bonne quantité de pics qu'on peut voir sur le territoire français, notamment. Pic tridactyle est plus en altitude, donc on peut le voir dans les Alpes. Dans les Hautes-Vosges, je n'ai pas connaissance de sa présence, mais en tout cas, dans les montagnes, dans les montagnes Pyrénées et Alpes, il y a du pic tridactyle. Après, dans le monde, je crois qu'il existe 700 espèces de pics différents, avec des morphologies complètement, des physionomies complètement différentes, mais tous aussi beaux les uns que les autres. Pourquoi le pic noir ? Parce que c'est mon chouchou. Est-ce qu'on le trouve principalement dans les forêts ou ailleurs ? C'est un oiseau forestier. Après, c'est un oiseau des grands arbres, donc il va choisir un grand hêtre ou encore des pins sylvestres, mais vraiment sur la hauteur du pin sylvestre. C'est un oiseau qui creuse sa loge à environ minimum 10 mètres de hauteur, donc il faut quand même des grands arbres, et puis suffisamment gros, parce que c'est quand même un oiseau qui est grand, qui peut mesurer jusqu'à 50 cm. Ah oui. Donc, il lui faut quand même de l'espace pour pouvoir couver ses œufs, pour pouvoir tenir au chaud ses petits. Et donc, il faut que l'arbre ait quand même un certain diamètre. Donc, effectivement, on peut-être trouver un pic noir dans un parc où il y a des grands arbres. Ça peut être possible. mais c'est quand même un oiseau qui est principalement forestier, qui se nourrit d'insectes, notamment beaucoup de larves de fourmis. Donc, il va se nourrir en hiver dans les vieilles souches. Hein. Il faut quand même un biotope bien particulier pour lui. Quelle est son espérance de vie ? Sa longévité ? Mm-hmm. Alors, je n'en ai aucune idée. On pourra regarder ça hors antenne et tenir au courant les auditeurs juste après. Je n'en ai aucune idée, oui, tout à fait. Alors, nous allons faire une dernière pause musicale avant de donner toutes les infos nécessaires à nos auditeurs qui souhaiteraient venir vous voir. Et on se retrouvera juste après. À tout de suite sur RGM 107 FM. Voilà pour parler de deux événements qui se dérouleront du 6 au 21 août à la Chapelle des Arts de la Suche. Alors Marie-Claire, que va-t-il se passer ? Donc, je vais exposer environ 20, 25, 26 photos. Donc, il y aura d'un côté 14 photos de l'espèce du pic noir, et puis d'autres espèces ornithologiques et des mammifères notamment. L'exposition, vous voulez que je vous donne les créneaux d'ouverture, etc. Ah oui, oui. Ou... Oui, donc l'exposition va se situer à la Chapelle des Arts de la Suche, hein, et va durer sur le 3 week-ends, donc du 6 au 21, comme vous le disait Laura tout à l'heure. L'exposition est ouverte au public de 14h à 18h les samedis, dimanches et de ces trois week-ends, et le 15 août également de 14h à 18h aussi. Et puis il y aura donc la conférence, ce temps d'échange autour du Pic Noir qui aura lieu le 19 à 20h30, toujours à la chapelle des Arts de la Suche. Est-ce que l'entrée sera payante aussi bien pour la conférence que pour l'exposition ? Non, l'entrée n'est pas payante. C'est une entrée libre. Par contre, l'association des Amis de la Chapelle de la Suche organise une tombola et à la suite de laquelle le gagnant pourra emporter une de mes photos. Voilà, que je mets à disposition pour le vainqueur de la tombola. Alors, est-ce que vous serez là pour parler avec les visiteurs et répondre à leurs questions ? Alors, je serai présente, mais pas sur toute la durée de l'exposition. Je peux vous donner les jours où je serai présente. Je serai là le 6, le 7, donc le premier week-end, donc de 14h à 18h. Je serai là le 13 et le 20 août. Plus évidemment le 19 pour le moment de la conférence. Alors, combien de personnes peuvent venir à la conférence ? Est-ce qu'il y a un nombre de places disponibles ou tout le monde peut venir ? Non, la chapelle est quand même relativement petite, mais je pense que, je vais dire une centaine de personnes, c'est jouable, quoi. Oui, c'est pas mal. Est-ce que vous avez d'autres projets après l'exposition de vos photos et de la conférence ? Alors, j'ai un projet avec l'association l'association qui gère le verger de Arche, qui va organiser une porte ouverte au verger début octobre, le 2 octobre exactement, et qui m'a demandé si je pouvais exposer mes photos dans le cadre de cette porte ouverte. Donc voilà, c'est le seul projet que j'ai pour le moment. Est-ce que vous avez déjà publié une de vos photos dans un magazine d'animaux, par exemple ? Non, jamais. Je n'ai jamais tenté l'expérience, mais oui, ça peut un jour m'arriver, effectivement. Ah, ça serait bien, parce que je trouve que vu la qualité de vos photos, ça serait bien que ça soit encore plus diffusé. C'est très gentil. Après, j'avoue que j'ai beaucoup plus d'intérêt à être sur le terrain, dans ma tenue de camouflage, auprès des animaux que je peux éventuellement croiser. Alors, on a regardé hors antenne l'espérance de vie du Pic Noir. Alors, il peut vivre jusqu'à 14 ans. Je trouve ça hallucinant. Oui, c'est quand même une belle... longévité une pour belle un oiseau. Longévité, oui, tout à fait, oui. Alors, j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, quel matériel vous utilisez pour prendre des photos ? Alors, j'ai commencé avec j'ai un boîtier Canon, un 7D Mark II qui me donne entière satisfaction, et puis j'ai acheté un 150-600 Sigma pour commencer, parce que je n'ai pas un budget élastique par rapport à ce que je voulais faire. Et puis là, je viens de me faire un énorme cadeau, je me suis offert un 500 f4, toujours en Sigma, mais un 500 f4 qui a déjà une qualité d'optique nettement supérieure, quoi. Donc voilà, je veux pas en faire, je suis pas une professionnelle, je suis une petite amatrice, je suis une petite joueuse, quoi. Et de plus, le côté très technique me... Enfin, je trouve ça un peu rébarbatif, quoi. Honnêtement, ça me saoule de lire les notices et de lire les bouquins techniques. Et j'y vais un peu au feeling. Et puis, j'y vais aussi grâce à mon mentor et ami Sylvain Mangel, qui est quand même bien connu maintenant du public vosgien pour ses qualités de photographe animalier, qui est vraiment très expert et qui est un bon maître. Alors après, tout le monde peut prendre des photos via les téléphones portables qui sont de plus en plus puissants, mais je trouve qu'on est, ça reflète pas la réalité quand on prend une photo avec un téléphone portable par rapport à un appareil photo de professionnel. Mais si, s'il y a la proximité, effectivement, hein, certains téléphones portables ont une qualité d'image excellente. Le problème, c'est qu'il faut avoir la proximité vraiment importante. Après, le matériel, les objectifs qui sont utilisés par les photographes animaliers sont quand même des objectifs qui vont chercher loin le sujet. Si vous prenez un cerf qui se trouve à 50 mètres avec un téléphone portable, vous aurez une puce sur un voilà, sur l'oreille d'un chat à distance. Après, voilà, effectivement, il faut quand même des objectifs spécifiques pour avoir une belle qualité d'image, une proximité avec le sujet. Parce qu'avec les téléphones portables, plus on zoome, plus l'image est moche. Ça fait beaucoup de pixels. C'est pas fait pour, quoi. Et c'est pourquoi il existe justement du matériel spécifique à ça. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux ? Alors, sur les réseaux sociaux, oui, j'ai une page Facebook. Hein. Et puis, en accédant, si on cherche Marie Flowers, on me trouvera. Et puis j'ai une page Instagram, Nature en Vosges, Douce Nature en Vosges, voilà. Ah, c'est joli. On peut voir quelques images. Alors ça, c'est tout récent, je maîtrise encore pas très bien. Voilà, c'est mon côté un peu rebelle avec la technicité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Plein de belles rencontres, et puis... Et puis retrouver la loge de mon beau mâle pique noir qui a décidé de changer de son lieu de vie. Et je l'ai cherché depuis le printemps et je ne l'ai pas encore retrouvé. Donc si on peut me souhaiter quelque chose de bon, ben voilà, c'est retrouver mon pique noir. Et peut-être même découvrir de nouvelles espèces, qui sait ? Ah oui, mais ça... J'ai pour la petite histoire, hier matin, ou avant-hier déjà, j'étais à l'affût pour photographier des pigrièches écorcheurs, donc une petite espèce ornithologique, et je les avais vues se poser sur un territoire, enfin je sais qu'elles sont présentes sur ce territoire, je voulais faire une photo, disons, un peu artistique de cette espèce. Donc je me suis placée à l'affût et quand soudain j'entends un sifflement d'oiseau que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu, j'ai levé les yeux pour le suivre du regard et j'ai vu un oiseau dont j'ignorais totalement, je n'ignorais pas son existence, j'en avais entendu parler, je savais à peu près à quoi il ressemblait, voilà, mais je ne l'avais jamais rencontré. Et c'est un loriot d'Europe qui est venu se poser, alors un peu trop loin à mon goût, j'ai refait un affût hier matin, un affût ce matin, mais il ne m'a pas fait à nouveau l'honneur de sa visite. Mais oui, régulièrement, on voit des espèces qu'on ne connaît pas. Il y a tellement d'oiseaux, tellement. Moi, je ne connaissais que... En clair, je connaissais rien, quoi. Je connaissais la mésange bleue, la mésange charbonnière, la pie bavarde, le merle. Enfin, voilà, les oiseaux de nos jardins, les oiseaux les plus courants, le rouge-gorge, bien sûr, le bouvreuil, et puis la citelle. Mais en dehors de ça, je n'avais pas connaissance de toutes ces autres espèces. J'ai découvert la mésange huppée, j'ai découvert le traquet motteux, j'ai découvert le pouillot véloce, j'ai découvert une multitude d'espèces, et puis ne parlons pas des espèces marines. Lors d'un voyage d'une semaine de vacances, j'ai découvert des espèces marines, et là encore, il y a une diversité magnifique. Alors la vie et la nature sont pleines de surprises. Ah mais oui, Ah mais oui, c'est une certitude. On finit pas de découvrir des choses et ça sera comme ça tout au long de notre vie, je pense. Et c'est, bon, en tout cas, je vous le souhaite, comme je le souhaite à tous les auditeurs. Chaque jour, on apprend des choses. Si on veut s'ouvrir à la vie animale, alors effectivement. Je ne suis jamais déçue quand je suis dans la campagne au bord d'une rivière. Je ne suis jamais déçue dans la vie entre humains, dans la vie sociale, les choses sont très souvent différentes. Voilà. Mais je souhaite à tout le monde de découvrir, d'avoir toute cette chance que j'ai de cette chance que je provoque également, hein. Mm-hmm. Je veux dire, quand je suis sur le terrain à 4 heures du matin, parce que je veux être présente avant que les cerfs arrivent, pour ne pas les déranger, justement, ben, ça veut dire qu'il faut se lever très tôt, qu'il faut s'habiller chaudement, qu'il faut patienter 2 heures, 3 heures, parfois pour rien. Mm-hmm. Et puis, il y a le jour où, ben voilà, ils sont là, ça arrive. Et là, c'est magique. Alors, cette émission est maintenant terminée. Marie-Claire, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous reviendrez nous voir. Ce sera avec grand plaisir. J'espère que de nombreuses personnes viendront voir votre exposition de photos animalières du 6 au 21 août, ainsi qu'à la conférence sur le Pic Noir qui se déroulera, rappelons-le, le vendredi 19 août à 20h30. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, surtout par ce temps étouffant. C'était Laura, bye tout le monde!